Bosco, Douiman. Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous. Un seul grand titre pour ce journal parlé en français. Nous sommes le 24 mars 2019. Le lac Tanganyika à l'honneur dans cette édition spéciale que la rédaction lui consacre. On fera le topo de cette richesse nationale, comme il convient de l'appeler. Mais ce lac est pollué par l'action de l'homme. Et l'autorité publique déclare être à l'œuvre pour la protéger. Des initiatives privées sont également rapportées. Dans ce journal, vous aurez également les interventions des uns et des autres. Et pour boucler ce journal, nous avons également une autre mot à dire. Rendez-vous à la fin de cette édition dans le commentaire de la rédaction. Vous n'avez pas Isangani l'eau ? Vous ratez l'essentiel. Bonjour, je venais de vous le dire, la rivière Kinyangong qui passe dans le quartier 10 près de la route aéroport est plein de déchets qui se déversent dans le lac Tanganyika. La population environnante indique que les eaux débordent dans les rues, surtout pendant la saison pluvieuse. Ces gens demandent le traitement des eaux des rivières pour protéger le lac Tanganyika. Reportage Ornella Mucho. Sous la route communément appelée Kigeni, tout près de la rivière Kinyangongé, ce n'est pas facile de constater qu'il y a une rivière. En s'y approchant à peu près à 2 mètres, c'est là où tu peux voir une partie de la rivière et une autre couverte de déchets ménagers constitués de bouteilles en plastique. Gakodi Selemani, on l'a trouvé en train de ramasser ces bouteilles et dit que ces plastiques viennent des quartiers environnants de cette rivière. On est trop vieux, pas ? Moi, je ramasse ces bouteilles en plastique que vous voyez dans cette rivière. Et souvent, ces déchets viennent de la rivière Nyabagere. Nakaritimana Tanaz et Pascal, qui exercent leur métier tout près de cette rivière, ils indiquent que des fois, ces déchets débordent dans les routes. L'eau de ruissellement ne trouve pas de passage. La canalisation a été construite en amont, ce qui n'est pas le cas en aval. Cette canalisation devrait être construite jusqu'au bord du lac Tanganyika. En cas de débordement, la rivière emporte les plantations. Il emporte également toutes sortes de déchets et certains se déposent ici. Il y a une année, ce problème n'existait pas car il n'y avait pas de déchets dans la rivière. Mais maintenant, ce n'est plus le cas car on ne voit que des bouteilles en plastique qui flottent sur cette rivière. Ces gens rencontrés tout près de la rivière Kinyangongé disent qu'ils craignent pour leur santé suite aux déchets observés dans cette rivière et qui, à la fin, polluent le lac Tanganyika. Et lance un appel vibrant aux autorités de prendre en main cette question. Et des pêcheurs rencontrés sur la plage de Kajaga en mairie de Bujumbura affirment qu'ils font des efforts pour éviter la pollution de l'eau du lac Tanganyika. Malgré leurs initiatives, ils déplorent qu'il y a encore certains d'entre eux qui se soulagent dans l'eau de ce lac pendant la pêche à cause du manque de toilettes mobiles. Le constat d'Ovestine Boutoui. Étant sur cette plage, certains pêcheurs font la lessive, d'autres se lavent le corps dans l'eau de ce lac. À ce niveau, l'eau du lac Tanganyika a une couleur verte. Un de ces pêcheurs dit que les saletés provenant des rivières qui s'y déversent pourraient être la cause de la pollution du dit lac. Même si la situation est ainsi, il ajoute qu'ils se sont donnés comme initiative collecter et brûler les divers déchets se trouvant dans cet endroit. Normalement, nous essayons de garder la propriété là où nous sommes. Ici, il y a une personne chargée de balayer ces déchets pour enfin les brûler le soir. Cependant, le problème majeur auquel ils font face est l'absence des toilettes mobiles quand ils sont en train de faire la pêche nocturne. Dans ce cas, il explique qu'ils sont obligés à se soulager dans cette eau du lac. Nous nous préparons avant de nous lancer dans le lac pour pêcher. Mais comme des imprévus ne manquent jamais, il arrive un moment où on a besoin de se soulager et dans ce cas, nous le faisons dans le lac. Ils estiment que la diminution de la production du poisson serait due à la pollution de l'eau du lac Tanganyika. Il faut qu'il y ait une autre place réservée pour ces déchets au lieu de les acheminer vers le lac Tanganyika. C'est à cause de ces déchets que la production du poisson aurait diminué. Ces pêcheurs demandent à leurs coéquipiers de bien se préparer avant de se lancer dans le lac Tanganyika pour faire la pêche. Merci Vestine. Et des constructions anarchiques se font remarquer sur le littoral du lac Tanganyika. Du côté des quartiers Kibenga et Kinindo Ouest, dans la commune urbaine de Muha, Aubin Niyonguru s'est rendu sur les lieux. Voici son reportage. au bord du lac Tanganyika, à moins de 20 mètres des eaux de ce lac. Des constructions y sont terrisées dans les quartiers Kibenga du lac et Kinindo Ouest. Il s'agit soit des bars, soit des plages ou des maisons d'habitation. Le service de lavage de véhicules y est aussi offert sur cette partie du lac Tanganyika. Ces laveurs de véhicules utilisent ces eaux du lac Tanganyika. Ils y déversent les déchets provenant des véhicules lavés ainsi que de l'eau sale utilisée pour le lavage. Les eaux de ce lac ne sont séparées sur certaines parties que par les herbes aquatiques ou par des allées. En conséquence, les eaux de cette partie du lac ont une couleur noirâtre et dégagent une odeur nauséabonde. Sur la partie est du lac Tanganyika, des bornes montrant des limites où les constructions ne devaient pas dépasser sont implantées. Elles ont soit été respectées ou non dans certaines parties selon les habitants environnants. Les parcelles sont très proches du lac Tanganyika. Des bornes avaient été implantées pour fixer la limite de 150 mètres à ne pas dépasser. Les eaux du lac continuent d'approcher les parcelles. Certaines constructions sont érigées dans des espaces qui jadis étaient occupés par les eaux du lac Tanganyika. Cela étant, l'article 5 du Code de l'eau place tous ces espaces parmi les aires protégées. Merci Aubin. Loin de la ville de Bujumbura, divers déchets, y compris les excréments humains, polluent gravement les eaux du lac Tanganyika dans la ville de Rumonge. Ceux qui se sont exprimés estiment qu'il est urgent de protéger ce lac. Melchior Munama, responsable des aires protégées en province de Rumonge, dit que c'est une synergie de tous les intervenants dans ce secteur qui viendra à bout de ce problème. Jean-Pierre Misago. Sur la plage de Rumonge, divers déchets qui sont jetés dans les eaux du lac Tanganyika gênent le divertissement des gens. Il y a des déchets, des excréments qu'on jette là-bas. Il y a des ordures qui sont jetées là-bas et qui se rencontrent sur le littoral. C'est très remarquable et c'est très regrettable de voir que notre lac est pollué de la sorte. Mais c'est dans ce même lac où se fait la lessive, la vaisselle. C'est également un point d'approvisionnement en eau dont la pureté laisse à désirer, mais qui n'est pas perçue de la même manière par tout le monde au regard du manque criant d'eau rapporté dans la ville de Rumonge. Melchior Munama, responsable des aires protégées en province de Rumonge, reconnaît que plusieurs sortes d'eau déchets sont jetées dans le lac Tanganyika et qu'il faut agir en synergie pour stopper ce phénomène. Que ce soit les services environnementaux, la police, l'administration, il faut que tout le monde s'implique pour que le lac soit protégé. La pollution des eaux du lac Tanganyika est l'une des causes de la diminution des prises selon la Fédération des pêcheurs et fournisseurs de poissons au Burundi. Jean-Pierre Misago, depuis la plage de pêche de Rumonge, pour la radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. Et des espaces salubres se remarquent dans certaines plages du lac Tanganyika. Dans ces endroits, l'on y trouve des gens qui ramassent des déchets qui sont crachés par les eaux du lac. Et ces derniers indiquent qu'ils font ce travail pour protéger cet espace touristique. On fait le point avec Moïse Misago. À ces plages comme Obora Bora Beach et d'autres proches de celle-ci, des travailleurs en charge de collecte de ces déchets sont à l'œuvre. À ces endroits, l'eau est propre. Des poubelles publiques s'y observent pour y jeter des déchets qui crachent le lac. Celui-ci est l'un des ramasseurs de ces déchets. Le nettoyage est tous les jours. Pourquoi faites-vous cela? Protéger les lacs, bien propre, tous les jours. La situation est ainsi au Safi Beach, tout près du port de Bujumbura. Des gens qui y font des exercices sportifs contribuent à la propreté de cet espace par le ramassage de ces déchets. Ce sportif rencontré sur place dit qu'il fait cela pour protéger les espèces aquatiques se trouvant dans le lac. Nous faisons cette propreté sur le lac afin de protéger les espèces aquatiques qui s'y trouvent. Nous enlevons ces déchets que crache le lac pour protéger ces espèces. À côté de ces volontaires, Safi Beach dispose des travailleurs en charge de la propreté afin de protéger le lac. Omar Manirambona, propriétaire de cet espace touristique, explique que chaque dimanche, tous ceux qui fréquentent ce lieu paient chacun 500 francs pour la propreté. Chaque dimanche, chacun paye 500 francs pour les participations d'entretenir l'espace. On a engagé les femmes pour collecter ces déchets. Quand même, on a essayé de faire tous les moyens possibles que le lac reste propre. Les propriétaires

Depuis 2010, nous avons beaucoup investi dans un autre système de pré-traitement qui est moderne. Ça nous permet de traiter toutes les eaux usées provenant de notre entreprise. Est-ce que le système est fonctionnel ou bien il y a encore à faire? Nous avons un système de pré-traitement qui existe depuis 2010. C'est un système ancien qu'on utilise jusqu'à maintenant qui parvient à traiter toutes les eaux usées émanant de notre entreprise, bien sûr. Mais le système en soi est très coûteux. Nous avons déjà construit des bassins modernes. On attend juste des moteurs et des pompes pour le mettre en marche. D'ici 2 mois, on aura démarré notre système. Et donc, le système existe déjà, mais on voulait juste l'améliorer parce que notre entreprise grandit. On voudrait que l'épanouissement ou l'extension de nos activités, de nos locaux et de nos unités de production aille de pair avec les moyens de pré-traitement. Est-ce qu'on peut aujourd'hui dire que le Savonor, dans ce projet de protection de lacs, a un défi? Oui, les défis ne manquent pas, mais celui qui est majeur, c'est le raccordement de notre entreprise au système d'égout public. La loi sur les normes dérogées précise que ces normes sont à 2 niveaux. Soit tu peux pré-traité à tel point que si tu as une qualité acceptable à être rejetée dans l'environnement, il y a une norme qui le concerne. Si tu ne peux pas y arriver, il y a les normes aussi précises que tu peux envoyer directement tes eaux pré-traitées dans le système d'égout public. Mais au moment où je vous parle, on a adressé plusieurs correspondances au CTMU depuis 2012 pour qu'on puisse nous appuyer et à ce que toutes les entreprises qui sont dans le même environnement que nous, quitte à ce qu'on puisse être facilité dans le système d'évacuation de nos eaux usées. C'est le défi majeur que nous avons. Je profite pour lancer cet appel à l'endroit des pouvoirs publics parce que on voudrait continuer tout en respectant et tout en protégeant le lac qui nous alimente en eau potable et qui alimente d'ailleurs toute la ville. C'était Jibril Ninghingiye, il est directeur de l'assurance qualité à l'usine Savonor. Et la direction de l'eau à la régie des eaux ne nie pas qu'il y ait de l'eau sale qui se déverse dans le lac Tanganyika. Toutefois, Fabrice Nkurunziza tranquillise la population que la distance de captage de l'eau distribuée est très lointaine par rapport à l'eau déjà sale. Suivez le directeur de l'eau à la régie des eaux au micro de Merichard Niyonguru. Il y a de l'eau impure qui déverse dans le lac Tanganyika, mais au niveau de la direction de l'eau à la régie des eaux, nous tranquillisons la population et nous faisons le captage de l'eau que nous distribuons à la population à 3,5 km. Et à cet endroit, nous tranquillisons la population que l'eau impure n'atteigne pas à cette zone. Avant que l'eau n'arrive pas dans les ménages, est-ce que vous avez des stations de traitement? Ces stations, elles sont en bon état? Est-ce qu'elles sont entretenues tout le temps? Quelle est votre réaction? Effectivement, lors du captage de l'eau, au bord du lac Tanganyika, nous avons une station qui accueille de l'eau en provenance du lac Tanganyika à ces 3,5 km que je viens de vous dire. La station numéro 1 transmet l'eau à la station numéro 2. On appelle ça station de traitement ici à côté de la radio-télévision nationale du Burundi. C'est là où on fait le traitement de l'eau. Nous tranquillisons la population. Nous avons un laboratoire qui fait le traitement de l'eau tout le temps. Ils sont là pour le traitement de l'eau, pour voir s'il y a des microbes qui sont dans l'eau pour les traiter. Fabrice Nkurunziza, c'est le directeur de l'eau à la régie des eaux. On termine ce chapitre des réactions des autorités publiques et privées par le ministère de l'Environnement, Agriculture et Élevage. Et là-bas, l'on tranquillise. Il y a des travaux en cours comme le réaménagement du bassin d'épuration des eaux usées d'eau Boutelele pour protéger le lac Tanganyika. Jérémy Nhatemba, directeur général de l'environnement, ressources en eau et assainissement, appelle tout un chacun au respect de la loi en matière d'environnement. D'abord, première action, c'est la sensibilisation de la population à montrer que l'eau, c'est la vie. Vous savez, sans l'eau, la vie n'est pas possible. Au niveau de la ville de Bujumbura, 90% de l'eau potable provient du lac Tanganyika. Donc, d'abord, c'est pour montrer d'abord l'importance du lac Tanganyika pour sa protection. Également, vous savez, le gouvernement du Burundi, à travers le ministère de la gestion de l'environnement, a mis en place le code de l'eau qui a été promulgué le 26 mars 2012. On a fait la sensibilisation pour montrer que le lac Tanganyika est un trésor pour notre pays. La deuxième chose, chose qu'on est en train de faire, c'est au niveau de la gestion des eaux usées. Vous savez, avec le lac Tanganyika, il y a un problème de gestion des eaux usées. Donc, on devrait faire donc fonctionner la station d'épuration de Boutelele, puisqu'on doit épurer les eaux usées provenant des industries, également de la ville de Bujumbura, donc des différents ménages. Des industries ou encore des usines de transformation n'ont pas accès au canal qui transporte les eaux usées vers le bassin d'écrêtement de Boutelele. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour que ces usines ou encore ces industries aient accès à ce canal? Depuis 2012, il y a eu des outils de visa à connecter toutes les industries de la ville de Bujumbura vers la station d'épuration de Boutelele. Les outils sont en cours et on est en train de voir la faisabilité de l'extension. Il y a des industries qui sont connectées directement aux réseaux de deux stations de Boutelele avec les CTMO. D'autres ne sont pas connectées. C'est ce qu'on est en train de faire pour protéger donc les zones du lac Tanganyika. Ici, on va montrer le rapport d'étape des outils pour l'extension de ce réseau. Des experts craignent la disparition totale de ce lac. Que faut-il faire pour éviter que ce lac disparaisse? Pour restaurer les zones tampons du lac Tanganyika, il y a des projets régionaux qu'on est en train d'élaborer qui visent à la protection du lac Tanganyika. Voilà, c'était le directeur général de l'environnement, ressources en eau et assainissement. Il s'appelle Jérémy Nginatemba. Il était au micro d'Eli Nibel Nibigira. Et comme annoncé au début de ce journal, venons-en maintenant aux commentaires de la rédaction. Il est lu par Eli Nibel Nibigira. Le lac Tanganyika est l'un des grands lacs d'Afrique, deuxième lac africain par sa surface après le lac Victoria, le deuxième au monde par la profondeur après le lac Baïkal et le plus long lac d'eau douce du monde, un lac avec plus de 500 sortes d'espèces aquatiques. Ce joyau, dont les eaux sont partagées par 5 pays, attire l'attention du monde. Il constitue une grande fortune pour le Burundi à travers les recettes issues du tourisme. Ce lac, c'est une source d'eau vie. On parlera notamment du poisson qu'on retrouve par ailleurs, de l'eau consommée par les citadins de la capitale économique Bujumbura. Sur ce même lac s'effectue le transport des biens et des personnes. Nonobstant, ce don divin est aujourd'hui menacé de pollution. Les eaux usées des ménages et industries provenant de tous les coins s'y donnent rendez-vous. En outre, le lac Tanganyika est devenu le lieu d'aisance pour certains. On ne passerait pas sous silence les constructions anarchiques le long du lac Tanganyika en violation des codes de l'eau et de l'environnement. La pollution progressive des eaux du lac a de nombreuses conséquences tant sur les Burundais, la faune que sur le pays. Le cas le plus parlant est le captage de l'eau propre par la régie des eaux qui se fait aujourd'hui à une distance de plus de 3 km alors que jadis cette eau était captée à 800 mètres. Plus d'un estime que la réduction de la production de poissons serait due à la pollution du lac Tanganyika, alors que les amis de la nature ne cessent de crier. Actuellement, l'on assiste aux hippopotames qui sortent du lac à la recherche de pâturage, ces aires étant devenues désertes et d'autres abritent des constructions anarchiques. Une situation qui se présente ainsi malgré l'existence des lois environnementales et des institutions chargées d'y veiller. En fin de l'année dernière, la Chambre haute du Parlement avait recommandé la démolition d'infrastructures illégalement érigées au bord du lac Tanganyika, comme il a été fait dans le passé non lointain. Une certaine opinion s'interroge. Pourquoi la parole n'a pas été jointe à l'acte? En dépit de ces menaces contre le lac Tanganyika, de bonnes initiatives sont à noter. C'est entre autres le traitement des eaux usées par des industries et hôtels avant de les déverser dans le lac, mais visiblement pas assez. Si rien n'est fait pour revaloriser cette merveille, quid du lendemain? Les Burundais n'achèteront-ils pas de l'eau à leurs voisins? Ça serait déshonorant de voir un jour, mais ce n'est pas notre souhait, les Burundais puiser de l'eau, par exemple à leurs voisins de l'Ouest. L'on fait juste un clin d'œil. L'eau n'est pas décideur. Mais polluer le lac Tanganyika, n'est-ce pas couper la main qui te nourrit? Il est grand temps que ce patrimoine, tant national, régional et qu'international, soit protégé. Le lac nous parle. Écoutons ce qu'il dit. Car vaut mieux prévenir que guérir, dit le romancier allemand Johann von Goethe. Merci Eli Nibel Nibigira. Et avant de nous séparer, une nouvelle brève. Je la prends en même temps que vous. Aucun journaliste burundais ou étranger des radios BBC Londres et La Voix de l'Amérique n'a le droit de travailler sur le sol burundais. C'est l'une des décisions prises par le Conseil national de la communication ce vendredi dans une conférence de presse après une session ordinaire de cet organe de régulation. Nestor Bangomukunzi, président du CNC, a dit que les sanctions prises à l'endroit de ces stations internationales qui n'émettent plus au Burundi depuis des mois restent maintenues. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Je rappelle que ce journal était entièrement consacré à la protection du lac Tanganyika, une édition spéciale que vous avez suivie avec plaisir. Et merci de rester fidèle à notre station. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Merci également à Eli Kadogo pour la mise en onde. Au micro, Jean Bosco Nduimana, passez une très bonne journée. Thank you.